السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous continuons avec notre chapitre de la science, et le cours qui a été donné avant-hier était sur les bienfaits de la science. Et ce cours, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons mentionner la suprématie et la haute valeur des savants, la valeur des gens de science. Donc la dernière fois c'était sur Fab al-Ilm, et aujourd'hui c'est sur Fab al-Alim. La femme, elle a tu peux remonter le son. Je remonte le son, d'accord. Al-Alim, al-Alim yufadilu al-Abidi, wa huwa afdal al-Abidi. C'est le savant a une suprématie par rapport à l'adorateur. Et le savant est le meilleur des adorateurs. Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lama dhukira lahu in rajulan ahaduhuma 'alimun wal akhar 'abidun. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fadl 'alimi 'ala al 'abidi أفضلي على السائر أو على أبناكم أو على أبناكم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم a répondu lorsqu'on le questionna au sujet de deux personnes, deux catégories de personnes. Le premier qui est adorateur, et le deuxième qui est savant. Donc voyons en réalité donc l'intelligence des gens lorsqu'ils questionnent un avis entre celui qui adore et celui qui apprend et connaît la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond sallallahu alayhi wa sallam, la suprématie du savant envers celle de l'adorateur est comparable à la mienne, c'est-à-dire à la situation et au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis ou par rapport au dernier d'entre vous, Adnakum. Imaginez-vous les dizaines de milliers de compagnons. Donc celui qui a le moins d'importance de tous ses compagnons est considéré comme l'Alif. Et celui qui a de la science est considéré comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voyez un peu l'exemple donné de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a certes donc pas de comparaison. Il n'y a en réalité pas de comparaison. Qui peut réellement se comparer vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc l'exemple est fort, car personne ne peut se comparer vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire du dernier des compagnons, du dernier de ces musulmans? Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah wa malaikatahu wa ala samawati wal ard hatta al-namlata fi hijriha wa hatta al-hawta fi hijrihi la yusalluna ala mu'allim al-nas al-khair, ala mu'allim al-nas al-khair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah et ses anges, même les gens des cieux et de la terre, même la fourmi, donc dans son terrier, hein, dans son abri, même le poisson, aussi dans la mer, prie sur celui qui enseigne les gens le bien. Il y a de tout le monde, de toutes les catégories de créatures. On commence bien sûr par Allah Azza wa Jalla qui n'est pas une créature, mais qui est le créateur, et toutes les créatures vont quoi? Vont enseigner, donc vont faire en vérité du art. Vont faire du art pour cette personne-là, le savant. Et ça, c'est un fac qui n'est donné qu'aux gens de science, qui n'est en vérité donné qu'aux gens qui ont bien sûr reçu la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الخديج ابن عياد رحمه الله عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات والارض. وروي كذلك عن بعض الصحابه عن ابن عباس علماء هذه الامه رجلان، فرجل اعطى الله عز وجل علما فبذله للناس ولم ياخذ عليه صفدا ولم يشتري به ثمنا، اولئك يصل عليهم طير السماء واحدا البحر ودواب الارض والكرام كاتبون. الخديج بن عياد دي رحمه الله un savant qui met en pratique et qui apprend et qu'il a considéré comme quelqu'un de grand donc dans les royaumes des cieux. Et certains compagnons ont rapporté que l'Ibn Abbas a dit les savants de cette communauté sont au nombre de deux, un homme dont Allah lui a donné la science et l'a répandu chez les gens et propage cette science chez les gens et ne recherche pas la vie ici-bas, il ne recherche pas de salaire pour cette science et il ne vend pas cette science, il ne la vend pas. Et ces gens-là, cette catégorie de personnes prient sur eux, les oiseaux qui sont dans les cieux, les poissons qui sont dans la mer et toutes les créatures qui sont sur la terre et les hommes qui écrivent, c'est-à-dire les anges. Voilà, on a vu donc ici la première partie, la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est voilà, فضل به عن عباده واخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك ياتي يوم القيامه ملجما بلجام من النار بلجام من النار. Deuxième catégorie de personnes, un homme. Et c'est vrai que si on réfléchit et qu'on connaît la vie des gens de science, combien d'entre eux sont morts pauvres? Combien de grands savants nous ont laissé des héritages? Et non seulement, on n'a pas connu d'eux qu'il était vendeur de ce qu'il faisait, qu'il ne recherchait que la vie d'ici-bas par rapport à cela. Et on voit que, au contraire, les ulama sou, ils sont très riches. Les ulama sou sont très riches. Et à l'heure actuelle, il y a des exemples, à l'heure actuelle. Un homme, dont Allah, donc ici, il donne la science, donc il veut bien dire, il veut écraser, il veut profiter sur ses serviteurs et sur les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y recherche un salaire. Il vend cette science à un prix, un grand prix. Et celui-ci viendra le jour dernier, donc avec ce collier hein, de feu. Il sera avec donc, quelque chose qui sera fondu sur lui, en feu. Là, il y a des gens, à l'heure actuelle, ils vendent. Ils demandent que leur tasse, que leur conférence, parce que ce n'est pas des doulous, c'est des mohadarats, c'est que des conférences, soit au Hilton, 5 étoiles, il demande, car il sait que le 5 à 7 va se vendre en millions d'exemplaires dans tous les pays arabes, il demande dès le début 1 million de rial, 500 000 rial, une conférence, une heure, et comme il fait plaisir à tout le monde, tout est réel, tout déjà aime ça. C'est une facilité chez les Awan, c'est facilité, c'est les gens qui aiment, il y a des gens qui cherchent à faire à tout le monde. Et ces gens-là sont les plus riches. Ils ont écrit, ils ont fait un top 10 de ceux qui touchent le plus d'argent parmi les douates, parmi ceux qui, soi-disant, sont des douates, car ce ne sont pas des douates. Donc vous avez, c'est Omar Khaled, c'est bien ça, Omar Khaled, c'est lui qui touche le plus, quelques centaines de milliers d'euros par mois. Quelques centaines de milliers d'euros par mois, tout en égard des gens. Ça, c'est un top 10. C'est des gens qui vendent. Dans une seule mohadara, une seule heure, ils se font des centaines de milliers d'euros dans la poche. Une seule heure. Et c'est lui qui demande. C'est-à-dire que c'est un contrat. C'est devenu des contrats. Il y a sûrement dans la vie des sponsors, ils doivent tout avoir. Donc en réalité, c'est comme si c'était des chanteurs. C'est des chanteurs, c'est des acteurs, c'est des footballeurs, c'est tout ce que vous voulez. Mais en réalité, ce ne sont que des businessmen. Et ça, ça prouve. Ça prouve parce que si tu ne payes pas, il ne vient pas. Si tu ne payes pas, il ne vient pas. Et combien de nos chouyours, lorsque les gens les invitent un peu partout, deux fois ils ne savent même pas où ils vont dormir, mais ils viennent. et ils ne recherchent pas, voire même c'est eux qui payent des fois. Ils disent, Alhamdulillah, je ne prends rien de vous. Et on a eu des exemples, comme Cheikh Mohamed Ibn Razan, le Hajiri, c'est lui qui paye, c'est pas les gens qui le payent, c'est lui qui donne aux gens. Il vient chez toi et il te donne en plus. Vous voyez un petit peu comment était la différence il y a entre le Haq ou Ahl al-Batil, de ceux qui prennent et ceux qui ne prennent pas. Et ils sont exactement cités dans ce hadith du prophète, sallallahu ou dans cette parole Harban ibn Abbas, radiallahu anhu. والعلماء منهم وبينهم يتفاوتون وقد ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن المثل حيث قال وفرض عالم على العابد قبض القمر على سائر الكواكب رواه ابو داود والترمذي والامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم الى دون ان يتوسع نوتر اكزومبل vis-à-vis de la différence qu'il y a, de la suprématie qu'il y a entre le savant eux-mêmes. Et il donne un exemple en disant que la comparaison, la comparaison entre le savant et l'adorateur, c'est comme celle qui serait entre la lune et n'importe quel astre. Et n'importe quel astre. Donc la différence entre la lune et les astres, les étoiles ou autres, sont donc justement comparables au savant et à l'adorateur. مطابق لحال القمر والكواكب فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره إلى العالم وهو حال العالم وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذا حال العابد الذي يدير نوره نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكواكب له مجاوزة يسيرة. Donc déjà on prend l'exemple ici qui est réel. C'est un exemple qui est mutabiq, qui est en réalité donc qui est réel. Le savant, donc on voit que lui va bien sûr, il va tout éclairer. Donc la lune, elle éclaire tout, elle éclaire l'horizon. Donc ça c'est le savant. Sa science dans laquelle se propage. Et tout le monde en profite. Tu auras compris toi, ici en France, ce que sûrement quelqu'un en Chine aura compris. La même chose. Et tu vas en vérité être guidé de par cette science, de la même façon que sûrement quelqu'un sera guidé de, donc s'il était de l'autre côté du monde. Tandis que l'astre, sa lumière, donc elle s'arrête à lui-même, ou voit, elle dépasse un peu. Elle ne s'arrête plus qu'à lui-même, c'est-à-dire en vérité, elle n'est profitable que pour elle-même, ou en vérité, elle va éclairer vraiment, c'est-à-dire l'endroit proche d'elle. Elle ne va pas éclairer très loin. Elle va s'arrêter donc à un lieu qui sera déterminé et qui sera très proche. Donc c'est comparable sur le savant, dont la lumière éclaire toute chose, donc elle éclaire d'abord lui et tout ce qui est autour de lui, tandis que les astres, donc leur lumière n'éclaire que, ou bien en vérité, elles sont profitables pour ceux qui sont autour d'elles. Peut-être que ceux qui voient quelqu'un adorer, peut-être que tu auras envie de faire la même chose. Donc mais toi, parce que tu l'as vu faire. Mais celui qui dérive le mur ne verra rien. Soyez ce que savant, de façon générale, la science, elle se propage. Les livres sont achetés, ils sont vendus. On a ces douloureux qui sont sur le net ou autre. Dans l'histoire générale, c'est quelqu'un qui a fait une prière. On ne le filme pas pour le montrer à tout le monde entier. Ça s'arrête à lui. Ou à ceux qui profiteront, qui seront autour de lui, s'ils veulent voir en réalité comment la personne prie, par exemple. Donc ça, c'est un parmi les exemples. فَالْعَالِمُ يَنْفَعُ الْتِدَارِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما rapporte que pour le jour dernier, vous voyez déjà aussi, la comparaison elle continue, pas seulement dans la vie d'ici-bas, mais le jour dernier. Car ce savant est profitable. Il fait profiter les gens même dans l'au-delà. On dira donc à l'adorateur le jour dernier, entre au paradis. Mais on dira au savant, intercède, tu pourras intercéder. Donc demande à faire intercession, tu vas pouvoir en vérité, on te donnera la permission d'intercéder. Donc il est profitable encore une fois pour lui et pour qui? Pour autre que lui. Donc si déjà, il est profitable, dans le sens où il peut donner intercession, il peut se permettre d'intercéder, c'est que lui déjà il est là, Azzawajal. Mais en plus, il fait quoi? Il est là pour entrer les gens au paradis. Ou ils entrent au paradis des bénéficiaires, ou leur degré de paradis sera réalisé, ou ils devront entrer en enfer, mais ils n'entreront pas, ou bien aussi, ils devront entrer en enfer, mais en réalité, ils devraient rester, imaginons, on va dire 1000 ans, ils vont y rester quelques cent ans. Donc il y aura une diminution du châtiment dans l'enfer. Donc voici en réalité les types d'intercession. فالدينه قواره وزينته وأمنته لعلمائه وعباده فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما أن السماء أمنتها وزينتها بقمرها وكواكبها. أفرى الإنصاف دس حديث القفر صلى الله عليه وسلم الذي أتي جوامع الكريم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريته لبريد الإنصاف لأقلونه lorsqu'il s'y La religion, c'est quoi? La religion, elle est basée. Et elle est bâtie. À partir de quoi? Donc, elle sera belle. Et elle sera donc en sécurité. C'est-à-dire, qui va en réalité garder ce dépôt? Qui va être dépositaire de cette religion s'ils ne se sont pas ses savants, ainsi que ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces savants-là, et ces adorateurs, tant qu'ils sont là, la religion reste. Et s'ils disparaissent, donc c'est eux qui sont en réalité garants de cette religion. Et s'ils disparaissent, la religion disparaît. De la même façon que s'il n'y avait pas de lune et ni date, qu'est-ce qui resterait du ciel? On ne pourrait pas en réalité être guidé par les routes ou quoi que ce soit, c'est-à-dire par rapport au ciel. On ne saurait pas en réalité connaître nos directions. Donc on ne serait pas guidé. De la même façon que la guidance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما تشبيهه بالقمر فذلك لأن إنما كان في مقام تقديرهم على أهل العبادة المجردة وموازنة أو موازنة يعني ما بين الفرق وهو المعنى أنه يفضلون أو يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء أو يفضلون على العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التشبيه لائق بموضعها والحمد لله. Donc là il revient à la parole pour dire que l'exemple est en vérité donc bien. On a déjà vu auparavant. Donc l'exemple il est bien fait. Et les ulama, certains ont dit, ceux qui ont voulu critiquer, ils ont dit pourquoi Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas donné l'exemple avec le soleil. Quand le soleil éclaire, il éclaire bien plus et il est plus grand, il a créé. Alhamdulillah, on en répond de deux façons. On va répondre pourquoi Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné la comparaison avec la lune, mais pas avec le soleil. Donc la première c'est Anna Nura al-Qamari lamma kana mustahada min ghayrihi kana tashbihu al-alimi allati nuruhu mustafadun min shamsi risalati bil-qamari awra min tashbihi bil-shamsi. Ce savant, est-ce qu'il est né savant? Ce savant, il a pris la religion. Donc il a pris de quelque part cette religion. D'où a pris ce savant la lumière? Comme la lune, d'où prend sa lumière? N'est-ce pas qu'elle le prend? Du soleil. Et le soleil, c'est lui qui compara justement à quoi? À la lumière de la révélation. Tout simplement. Donc c'est le soleil qui est lui-même la lumière de la révélation. Et la lumière, elle prend donc cette lumière à partir de ce soleil. Premièrement. Donc c'est pour ça que le savant, c'est lui, il a pris la religion de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah par Rasul. Donc il n'a pas inventé, il n'a pas pris, il n'est pas né avec. Et on l'a vu la parole d'Ibn Mas'ud avant-hier, qui avait dit que personne ne naît savant. Innama al-ilmu bi ta'allum, certes, la science est par l'apprentissage. Et deuxième, c'est que al-shamsa la yahtalifu haluha fi nuriha. C'est que le soleil, toute la journée, à n'importe quel, on va dire, tous les jours, que ce soit le premier du mois lunaire, ou 13e du mois lunaire, ou 22e du mois lunaire, le soleil reste le soleil. Vous voyez qu'en réalité, donc il n'y a pas de changement vis-à-vis du soleil. On voit toujours, on ne voit pas un croissant de soleil, on ne voit pas un demi-soleil, on voit le soleil à chaque fois donc, complètement. Donc il ne change pas ça, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la risala, elle ne change pas. Elle ne change pas. Tandis que là, donc voilà, yakhipa, bahak, voilà yakpos. Donc en réalité, cette lumière ne va pas en réalité disparaître. كما قال العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه comme ici en réalité que la lune n'est pas que le premier du mois ou le 12 du mois ou le 15 du mois ou hein, donc le début du mois ou le milieu du mois ou la fin du mois ou entre cela on voit que la lune elle est complète et elle diminue jusqu'à ce qu'elle est vraiment donc un fin filet et elle revient. Et ça c'est les savants. Est-ce que tous les savants sont égaux? Est-ce que celui qui a passé toute sa vie dans la science et qui fait partie des qui partent là-bas et qui a 75 ans et comme celui qui commence et qui a 22 ou 25 ans ou 32 ans et qui va commencer à apprendre la science? Non. Donc il y a une différence. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la lune afin de montrer que les savants sont quoi? Sont inégaux dans leur niveau. Les savants sont inégaux dans leur niveau. Naam. Amma al-tashbih, al-ulama bin-nujum, il y a aussi, bien sûr, dans aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a déjà aussi comparé les savants avec quoi? Avec les astres. Avec les astres. Farina al-nujum a yuqtala biha fi dhulumat al-ba'r wal-bahr. C'est que les étoiles, aussi, on en profite. On a besoin de se guider de par ces étoiles lorsqu'on est dans les ténèbres, imaginez-vous dans le désert, ou si on est au milieu de la mer, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'application. Donc en ce moment, on va utiliser, donc justement, les gens ont utilisé pendant des millénaires ces étoiles pour pouvoir être guidés. وكذلك العلماء والنجوم زينة للسماء كذلك donc la même chose pour les savants. Et en plus, les étoiles et ces astres-là sont justement la beauté des cieux. كما أن العلماء زينة لهذا الدين. N'est-ce pas que les savants aussi sont aussi la beauté. Ce sont eux qui rendent beau, hein, justement, avec les belles cette religion. C'est eux qui vont rendre avec les belles cette science. Cette science prise. N'est-ce pas que lorsque tu lis, ça te touche. Lorsque tu lis, même si c'est écrit en français, même si ça t'est traduit, tu es à un minimum touché de la beauté de ce que tu es en train de lire. En réalité, de la beauté de ce que tu es en train de lire. Mais qui a rendu belle cette chose-là, si ce n'est pas en réalité le fait, la science de ce grand savant qui a écrit tel livre et qui justement rend les choses qui sont bien sûr donc belles. Wahya rujum li shirati ha'ilatun baynahum wa bayna istirak al-sar layla yulabbasu bima yasaru afwan yastatir umbatu or na Yastalikuna, je ne sais plus ce que j'écris. Yastalikuna, naam. Donc ici, ils vont aussi être donc une barrière entre la science et les chiatines. Donc là, les chiatines, qui font quoi les chiatines par rapport à la révélation? N'est-ce pas qu'ils essaient de l'arrêter, n'est-ce pas qu'ils essaient de se mêler afin de prendre des brides, de pouvoir s'ils pouvaient donc faire quelque chose pour cette révélation, ils n'y arrivent pas. Et la même chose pour le savant. Il y a en vérité donc une barrière entre toi et les mauvaises personnes qui vont mentir sur cette science, qui vont en vérité interpréter de fausses façons. Hein? Et on l'a vu dans le hadith, lorsque Yahmidu Hadalil, Kulun, donc les Kulin Khalati Ardoulou, on a vu le hadith la dernière fois. En vérité, donc pour cette science, tout successeur juste. Et on a vu à la fin ce qu'ils font. On a vu à la fin des hadiths ce qu'ils font. Ils arrêtent en vérité toutes les mauvaises personnes qui ont décidé, par des buts personnels, hein, de passion, en vérité d'éloigner les gens de la vérité. D'éloigner les gens de la vérité. Donc ces gens-là vont voler cette science-là et les savants sont là pour les arrêter. Hein. Mais le wahid al-walid il a rasul min Allah azza wa jal al aidi malaikati. Donc c'est-à-dire en vérité, ils veulent arrêter la révélation qui est envoyée de la part de Dieu. Par les anges, aux envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika al-ulama, rujumun li shayatin al-ins wal jinn, alladhina yuha ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Fal-ulama rujumun li hadha al-sinf min shayatin. Donc on voit ces savants en vérité, c'est comme s'ils lapidaient toutes ces personnes, ils lapident par quoi? Par un rujum, il l'habite par un redoute, Bilissène ou un Kalem. Donc ils vont répondre à ces gens-là par justement la langue et par la science, par l'écriture. Ben, vous prenez Sahih al-Bukhari. Si on dit aux gens qu'est-ce que Sahih al-Bukhari, ils vont dire Sahih al-Bukhari, c'est une compilation de hadith. C'est tout. Là, c'est redout contre tous ceux qui ont menti dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans le dogme, que ce soit dans le manhaj et que ce soit dans le texte. Lisez, vous allez voir. Lisez vous-même et regardez ne serait-ce que les chapitres et les titres. Et vous allez voir que Sahih al-Bukhari, ce ne sont réellement, mais ce sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec énormément, ou pratiquement dans tout, justement encore des redouts. Car les gens ont voulu changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voulu protéger la religion d'Allah. Contre qui? Contre justement Al-Zayr. Contre les gens qui égarent les autres. Contre les gens en réalité qui ont une maladie du cœur et qui égarent les autres. C'est ça, Sahih al-Bukhari. Alors que dire le meilleur livre entre les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez sa fonction. Voyez en réalité sa fonction. Il tape contre Al-Mu'tazila, contre Al-Rawafid, contre Al-Khawarij, contre ceux qui ont énormément rendu les choses visibles parmi les Ahnaf et autres encore. Voyez et vous verrez. Et aussi, Al-Ulim, Yalun al-Hatta al-Vahira, Wadihan, Athna alayhim bidhalika, Tabaraka wa ta'ala faqad, ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. Les gens de science voient et reconnaissent donc clairement la vérité. Ils connaissent et reconnaissent clairement la vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent faire la différence entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux. Beaucoup d'entre eux ont Al-Firasa. Ils ont beaucoup ce qu'on appelle Al-Firasa. Si on peut dire ça chez nous, Al-Nif, dans un sens, ils remarquent. Écrit Hadith Ramadi. Il va remarquer que ce n'est pas le texte qui vient, ce n'est pas la parole dont le prophète s'en va sur la logique d'écrire, ni par la façon d'écrire, ni par les règles religieuses, par beaucoup de choses. Il voit directement, comme il vient de Al-Bukhari ou d'autres, il remarque que cela, il y a un problème. Et après, lorsqu'il recherche, il voit que cela en vérité, donc ils avaient raison. Il voit de façon générale qu'ils ont raison. Ils reconnaissent leur vérité. C'est clair chez eux. Et c'est pour ça qu'on a dit, et voir ce qui ont reçu la science, ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur, est véridique. Ils voient que cette science est véridique. Ils savent reconnaître la vérité du faux. C'est clair. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qui nous donne justement donc, cette vérité, qui nous fasse connaître cette vérité afin qu'on puisse suivre justement cette vérité. فتحصل على ذلك بالرجوع الى اهل العلم وسؤاله فقال تعالى وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهم اهل الذكر بما انزل على الانبياء. Et comment en vérité tu peux avoir et tu peux suivre cette vérité si ce n'est en réalité que le fait de poser les questions aux savants, le fait de revenir aux savants. Lorsqu'on te dit revenir aux savants, c'est que tu vas écouter ce qu'ils t'ont dit. Tu vas obéir aux savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes qui ont reçu la révélation et on a révélé sur eux, donc justement dans cette révélation. Bimana, rijal. Donc ici, il y a entre les envoyés et nous une équivalence. Homme. Mais quelle est la différence? Yuha ilayhi. C'est sur eux que la révélation vient, pas sur toi, parce que c'est pas dans le prophète. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire le fait que c'est pas sur toi que c'est venu la révélation? Tu les suis. C'est ça que ça veut dire. Yuha ilayhim. Yani la ilayikum. Pas sur nous, humains. Hein? C'est-à-dire pas simple. Eux, ce sont des humains comme nous, mais ils ont reçu la révélation. Donc il te reste dans la première partie, tu es comme eux, donc tu ne vas pas les adorer, et dans la deuxième partie, tu vas les suivre. Tu ne les adores pas, mais en réalité, tu les prends comme envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme en réalité guide religieux. Et après, Allah s'en dit quoi? Pour montrer que c'est eux qui doivent être suivis face à nous. Donc demandez donc aux gens de science si vous ne savez pas. N'est-ce pas que la guérison de la l'ignorance, c'est bien souhait. C'est la guérison de l'ignorance en réalité. Le règne, donc l'ignorance qui amène en vérité à la mort, c'est quoi? C'est la souhait. Le fait de questionner les savants. Et Allah Azza wa Jalla les appelle Ahlul Dhikri. Les gens qui rappellent combien de savants passe 10, 12, 14 heures par jour à être plongé dans la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la science. Ils passent des heures, ils dorment. Ce ne sont pas eux, réalité cela, ils adorent. L'imam Ahmed, lorsqu'il prie, il arrive à 300 rakats par jour, par nuit. Qui de nous prie 300 rakats? Voilà les sciences et les ibadah. Ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont bien compris que c'est... Ils ont bien compris pourquoi Allah Azza les a créés. « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Tout simplement, ils ont bien compris ça. « Wa kadhalika subhanahu wa ta'ala ittakhadha ash-shahadata lahum wa astashhada bihim ala sihhati ma anzala ala rasulihi faqala ta'ala أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين. الله سبحانه وتعالى لي بخون طوكو تيموان. الله يديفي دي تيموان. Pourtant là, il est seul, il dit, Allah est suffisant comme témoin. Mais il diffuse des témoins. Et ils vont témoigner de la vérité de ce que je dis. Que cela est réel, est authentique. De ce que j'ai envoyé, de ce que j'ai insufflé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce que j'ai été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que je désire autre qu'Allah comme juge, alors que c'est lui qui a descendu sur vous le livre, au passant, qui vient expliquer toutes choses, qui vient en réalité expliquer avec clarté, avec un autre détail, clairement toutes choses, au passant, car c'est une religion qui est complexe. Et ce dont leur avait donné le livre, ils le savent que cela aurait été bien descendu de la part de ton Seigneur en toute vérité. Donc en vérité, il ne faut pas, partir en vérité de cela, qui se détourne de ceux qui mentent, de ceux qui confèrent en vérité, qui considèrent que cette religion est mensonge. Donc par l'article, c'est d'essayer de garder le silence afin que les autres profitent. Donc ce sont que quelques minutes, nous sommes ensemble que pour quelques minutes, donc en réalité, essayez de garder le silence afin que tout le monde puisse profiter. Voilà, وهذا هو حال أهل الإيمان وأهل الإيمان يعني وهل الإيمان الجهل وهل الإيمان ينفع من غير علم. Voici en réalité donc la situation des gens de foi. Est-ce que la foi c'est l'ignorance? Est-ce que la foi c'est la pratique en réalité sans science? لا. فيقول تعالى وقرآنا فرحناه لتقرأه على الناس على بكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله أن يتلى عليهم يخرون إلى الأثقال سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala montre comment il a descendu au plus du Coran. Il dit, il n'est qu'une œuvre que nous avons départagée. Elle est venue en partie. C'est pas que le Coran n'est pas venu en bloc, en une seule fois. Afin que les gens soient éduqués, car c'est une éducation qui est longue. Le chemin il est long. Alors on ne va pas réussir à acquérir tous ces nobles caractères, ces riches caractères, de façon facile. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Certes, nous allons descendre sur toi une parole lourde. C'est pour ça que l'imam Malik refuse que quelqu'un qui... Mais tout le monde le dit ici chez nous. J'ai une petite question. Il n'y a pas de petite question dans l'islam. Il n'y a pas de petite question dans la religion d'Allah. Lorsqu'il faut venir voir, c'était déjà important. Ils ont dit à l'imam Malik, on a une petite question. Il a dit, hé, comment une petite question? Il n'y a pas dans l'islam de petite question. Et il a répété, donc il a mentionné le verset d'Allah. Certes, nous allons descendre sur toi une parole lourde. Car tout... si tu dis une petite question, ça veut dire qu'il y a des petites choses dans la religion. Alors que celui qui honore les rites d'Allah, c'est justement une preuve du quoi de son cœur craint. C'est ça. Il doit honorer en vérité le Abdel Shahad Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas le boulot, c'est en vérité cela, réellement en vérité, justement, le quoi? La crainte du cœur. C'est réellement la crainte du cœur. Donc il n'y a pas de petite question. Il faut que le frère arrête d'utiliser le mot 2 minutes, j'ai une petite question. Dis, j'ai une question, baisse. Il n'y a pas de petite question. Non. Dans tout, parce que cette petite question, c'est peut-être elle qui te fait rentrer en paradis, et c'est peut-être elle qui va t'interdire le paradis. Alors comment tu peux te permettre, en vérité, ou bien comment tu pourrais penser cela? Et vous voyez que les valeurs sont distinctes. Et si tu penses que c'est petit, qu'est-ce que tu fais après? Là, tu survoles. Lorsque tu survoles, tu fais rien. Tu survoles toutes les séances, tu les survoles parce que c'est pas grave. Tu vas survoler en réalité énormément de points. Énormément en vérité de points que tu considères que tu es. N'est-ce pas que c'est Al-Bida qui font cela? Qui disent qu'il y a une vérité, qui disent que ceci, qui disent que cela, alors que la religion est complète, c'est pas à nous de dire ça. Nous, on ne dit pas justement en réalité de dire une petite question ou un petit sujet comme ça facile ou quoi. Là, on ne va pas parler comme ça. Donc, cette religion qui est venue, donc comme on l'a vu, hein, donc elle est venue comme ça, donc en partie, afin que tu dises aux gens, à la boxe, donc à la boxe, c'est-à-dire en réalité doucement, petit à petit, hein, donc on va éduquer les gens. Une maladie ne se guérit pas du jour au lendemain. C'est pour ça que quelqu'un nous avait arrêté de dire, était parti voir Cheikh Rabi Hafdallah, et lui dit, je suis resté, ça devait être 10 ou 15 ans, dans le Jamaat Tablir, il lui dit, il faut autant d'années hein, d'hôpital, dans le sens que tu as guéri. Les chevaux que tu as reçus, tu ne vas pas les enlever comme ça du jour au lendemain. N'est-ce pas que même si la personne devient salafi, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses, il est encore trop gentil, il aime beaucoup ce que les gens, il aime certains points de Tablir, et il continue comme ça avec ses frères. Et on voit que c'est petit à petit que c'est quelque chose. On reconnaît, à Adatel, on reconnaît celui qui, tu lui dis, toi, tu étais dans le Jamaat Tablir, à moi, tu dis. Parce qu'on voit qu'ils ont gardé des sifètes d'origine, tu as pu dire certains points d'origine. Ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais on remarque ça. La même chose pour ceux qui vivent dans les banlieues. La même chose pour ceux qui n'ont pas vécu dans les banlieues. On voit des fois, on reconnaît. Il y a des points qui vont montrer qu'en vérité, on reconnaît ces gens-là. Les traces, elles restent. Elles ne disparaissent pas après le jour au lendemain. Donc, ça a besoin, en vérité, encore une fois, de temps. Ça a besoin, encore une fois, de temps. C'est pour ça que Allah, il veut éduquer les gens. Et il va justement, tu vas leur lire doucement, doucement, petit à petit, afin que les gens comprennent des choses. Donc voici en réalité comment elle se prend la science. Elle se prend par la petite science, comme on dit, avant d'arriver à la grande science. Dans le sens, c'est-à-dire on commence par les points, c'est-à-dire simples. Quand on dit les points simples, c'est pas une question simple. Dans le sens où, vous prenez maintenant le fiqh. Comment ils ont fait en Arabie Saoudite par rapport au fiqh? Le ulama, comment ils ont fait par rapport à l'éducation? En primaire, ils vont dire maintenant salat. La prière, tu te mets face à la qibla, takbirat al-ihram, Allah Akbar, tu dis ça, tu fais ça, tu fais ça. Sans dalil. Sans montrer les dalil, sans rien. Ça commence comme ça. Et si tu regardes bien, donc, Cheikh Al-Othaymin, il a commencé comme ça. Quand je dis Z, en vérité, quand tu prends le texte, il est comme ça. Le texte de Z, il est comme ça. Z al-Mustakhna. Le texte, il n'y a pas de dalil. Il dit, il y a ça. Et après, donc ça, c'est le primaire. Quand tu arrives en secondaire, ils vont mettre un dalil. Quand tu arrives au tertiaire, ils vont mettre l'Ikhtilaf, c'est-à-dire de ton collège. Quand tu arrives au lycée, hein, ils vont mettre l'Ikhtilaf. Et quand tu arrives à la Jamia, ils vont mettre ça avec l'Ikhtilaf. Vous voyez 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 façons. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que font les ulama du fiqh. Comme Cheikh Abdallah, hein, l'Aqib, Hafdallah Azzawajal, donc le, si on peut dire ça comme ça, le plus grand savant dans le fiqh qui est en Arabie Saoudite. C'est le Cheikh de beaucoup de chouyouk. C'est un des élèves de Cheikh Saadi. Il a 90 ans, l'autre a une proche de 100 ans. C'est un vieux. Mais c'est un grand savant. Depuis 75 ans, il enseigne le fiqh. Il a 6 cours par jour. 6 cours par jour, il donne. À chaque prière. Il y a entre le dhuhr avant et après le dhuhr. Ça fait 6. Et c'est comme ça qu'il fait sa méthode. Il prend 1, 2, 3 et 4. Et c'est la méthode qu'on choisit aussi, donc le Fukuma Saoudien, afin d'éduquer les gens dans le fiqh. Vous voyez donc déjà une méthode parmi les méthodes. Donc on peut utiliser cela, mais c'est dans d'autres domaines. Mais voici le tartib qu'il faut faire. Donc en réalité, les gens puissent arriver. La même chose dans le tartib, hein, que vous connaissez sûrement dans le tawhid. On commence par les petits, les livres qui sont en réalité de façon générale. Il n'y a pas beaucoup de livres. Ça explique les choses de façon générale. On n'a pas besoin au début, des fois, de rentrer dans les grosses explications. On va dire ça. On va l'apprendre par cœur. Et petit à petit, tu vas en vérité. Tu as les squelettes. Et après, tu rembourses. Tu charges. Tu en vérité, donc tu rajoutes. Ça, c'est comme ça que la science vient. N'est-ce pas que le il ne cherche pas à avoir de grandes explications. Combien de gens disaient à l'époque, dans les années 90, ceux qui ne savaient pas, Salman Al-Houda a plus de science que l'Anthémine. Regardez, subhanallah, la baraka, Allah Azza wa Jalla, souvent la même défaut, encore plus après la mort que pendant la vie de Cheikh. Les Saoudiens eux-mêmes, ils disaient ça. Parce qu'il a fait tel choc. Et Cheikh Al-Othaymin a fait le même choix, mais lui il a fait autant de cassettes, il a fait l'autre en beaucoup plus de cassettes. Mais rien que parce qu'on a dit, il part en vide, c'est tout. C'est que du blabla, c'est pas du rime. Alors les gens ont cru que parce qu'il y avait plus de cassettes, c'est parce qu'il y avait plus de rime. Est-ce que c'est ça là? Regardez Cheikh Al-Othaymin à ce moment-là, encore plus court que des petits livres, au point où les gens pensent qu'il n'a pas de science, de regarder en vérité la richesse qu'il y a dans ces petits livres. telle voie telle on pourra en réalité citer à la boule de Hel, d'autres chouillons qui ont en réalité écrit des petits trucs, hein, des petits livres, mais regardons en réalité la richesse qu'il y a lorsque les gens de science viennent expliquer ce qu'il y a en réalité dans ces paroles qui sont en réalité riches, ces paroles qui sont en réalité riches. Quelqu'un dit là, donc toujours par rapport au verset, hein, donc le verset en réalité qui montre réellement qu'est-ce que la science ici. Donc il dit, et nous l'avons descendu, donc d'une réelle descente, dit, croyez en ce livre, ou ne croyez pas. Ça ne va pas nous toucher. Que tu crois ou tu ne crois pas, c'est, tu crois, alhamdoulilah, c'est pour toi, tu ne crois pas, c'est contre toi. Et c'est ceux qui ont reçu la science avant cela, avant que cela leur soit lu, qu'est-ce qu'ils font là, ils mettent en pratique. Ils s'engraissent, hein, donc ils descendent rapidement pour se prosterner auprès d'un, pour se prosterner pour Allah Azza wa Jalla, et disent gloire à notre Seigneur. Certes, donc, la promesse de notre Seigneur va venir, sera faite. Elle est faite. Donc, en vérité, elle va venir. Sans dire qu'ils vont revenir vers Allah Azza wa Jalla. Et, bien sûr, ils craignent Allah Azza wa Jalla, donc ils prient. Ils s'empressent, en vérité, ici, Allah Azza wa Jalla mentionne le moment où tu seras le plus proche de lui. Il mentionne le sujoud. Ici, Allah Azza wa Jalla va mentionner justement le sujoud pour que tu invoques Allah Azza wa Jalla de te raffermir en vérité, de te raffermir dans cette religion et de faire partie des gens qui connaissent la religion, mais pas en vérité de faire partie de ceux qui ne croient pas. Ici, il y a l'ilm qui est en plus assemblé ici avec l'imam, avec justement la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici en vérité les qualités de ces gens-là. Donc bien sûr, ce sont des ulama amilun. آمنوا وصدقوا سواء آمن به غيرهم أو لا وكيف لا لما رسخت الآيات البينات في صدورهم فهذه المنقبة هم الذين يختصون بها دون غيرهم. Regardez, ces savants en vérité qui mettent en application, ils ont cru, ils ont dit que cela était des véridiques, ils ont cru, même si les autres ne croient pas, ça ne les intéresse pas. Alaysa ulama ulama. N'est-ce pas que les savants, ce sont eux, véritablement, les ulama, ils sont ulama, hâta chez nous. Vous croyez qu'ils n'arrivent pas à passer des journées avec nous, les savants? On va les tuer. Ils vont remarquer qu'ils vont perdre du temps avec nous. Ça a l'air. Une heure. On était chez un chir, en train d'essayer de mettre Internet sur un par 4. Et là-bas, c'est par 4. Une heure, en train de se battre avec la carte pour essayer d'entrer dedans, de mettre Internet. Puis le chir regarde, puis il a perdu l'heure et dit, j'aurais pu lire un livre. Puis il a tout de suite comparé l'heure à quoi un livre. Directement, j'aurais pu lire un livre, j'aurais pu terminer un livre en lecture. Une heure. Parce qu'on est en train de se battre à essayer d'entrer. Nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous fait rien. Alhamdulillah, à la fin qu'on a réussi, Alhamdulillah, on a réussi. C'est tout bête. Mais lui, non, j'ai perdu l'heure. Car il connaît le temps. Vous voyez un petit peu comment en réalité sont à la coup de chaîne, donc les gens de science. Comment ils sont, donc, par rapport à ça, ils sont au par rapport à nous. C'est pour ça que ces gens-là, même si, hein, ils sont, donc, ils sont différents. Ils sont en réalité différents. Donc, que tu crois ou pas, à tout le reste, pour eux, ça ne va rien changer. Eux, ils savent comment profiter de cela. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour montrer que, bien sûr, ces gens-là, en vérité, donc, ont reçu justement ces versets clairs dans leur cœur, dans leur poitrine. Allah dit, Bel huwa ayatu bayinatu, fi suduril ladina utul ilm, wa ma yashhadu bi ayatina illa dhalimun. Mais plutôt, ce sont des versets qui sont clairs, qui sont ou imprégnés dans les poitrines des gens de science, et ne croient pas en nos signes ou en nos versets que les injustes. Non. Et les savants sont justement justes. Et on a bien vu le Qur'an, même le Christ. Ce sont eux, en réalité, les savants qui sont justes. Non. Il y a le Qur'an, la foudre, ça a tout. Moustakar, qui est soudouli, elle est l'île, elle a dit la moutou l'île, ou à l'imada, ou à l'imada. Oui, donc on voit que la science, elle est raffermie. La science, en réalité, s'est bien imprégnée dans leur cœur. Comment cela? Et avec quoi? Surtout avec quoi? Donc, premièrement, ce sont des versets clairs, hein, qui sont en réalité bien compris. Allah Azza wa Jalla a laissé ces versets clairs afin que l'on accepte facilement cette religion. Ça, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jalla de mettre des versets clairs. Il ne nous a pas rendu la tâche difficile. Alors, pourquoi se rendre la tâche difficile? Les compagnons n'étaient pas comme ça. Al-Qarnunnes, Taglifa, comme le dit Abdallah ibn Mas'ud, ce sont des gens qui ne se fatiguent moins. Le verset des clercs, pourquoi tu prends des chemins tortueux pour essayer de le comprendre? Pourquoi tu te pratiques alors que c'est grave? Regardez les gens qui ont décidé d'utiliser le raisonnement dans l'assemblée en sifet, et regardez les garments. Ils sont beaucoup d'entre eux, soirées beaucoup. Beaucoup d'entre eux sont en réalité sortis de la religion dans la Hazawajal, Al-Jahmiya par exemple. Des versets clairs, donc déjà premièrement, une facilité pour nous pour comprendre. Et deuxièmement, c'est que Anna Mahfouda, donc Moussaka Khaim est à Fassoudoul, c'est pour que ça soit renfermé et elle reste dans les poteries des femmes. Il y a un chiffre, actuellement, Hadrullah Zajid, il est malade. Ce chiffre-là était donc, il est de l'époque du Cheikh Bébé Zachmoura, il est vieux. Mais ça rentre son élève. Et c'est lui qui a enseigné à Cheikh Nantini Ahmadouan par l'héritage. Il ne reconnaît plus sa famille. Il ne reconnaît plus leur iconé, mais il n'a rien oublié de la science. Dieu, il n'a rien oublié de prendre la carte. Et pourtant, il y en a de la Dieu. Dans tous les domaines. C'est un savant dans tous les domaines. Et subhanallah, Allah Azzajal parle de lui que cette science reste justement dans, encore en lui. Allah Azzajal justement a laissé cela. Pourtant, voilà, il ne connaît pas ses enfants. C'est qui toi? Ben, c'est ton fils. Il est il se doit, il a besoin de quoi de souvenir. Il est au bout justement, donc il est malade, il a perdu la mémoire. Hafzallah Azzawajal. Vous voyez un petit peu ce que avaient ceux qui ont vécu et qui mettent en application la science dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien de petit chez eux. Tout était important. Bon, bien, dans le cours d'autre, bien qu'il passe là, tout le temps de la يرفع درجة أهل العلم درجة الإيمان بالعلم يقول تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أفضل والله بما تعملون خبير سيد الله إلهم ceux qui ont reçu de la science et ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu de la science en degré et certes Allah est savant et donc c'est Allah connaît ce que vous faites certes Allah connaît ce que vous faites. Ici, il y a une comparaison entre la science et la foi. Et le fait d'avoir l'avance d'un jeune élève en degré. Donc ça, c'est le premier verset. Il y a quatre versets où on parle de l'élève des gens de degré. Ça, c'est le premier verset. Et le deuxième verset, dans ce texte, « Innama yu'minuna allayhina iza zukra Allah wa jilat qulubuhu wa iza utuliat alayhim ayatuhu zaadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allayhina yu'qimuna salat wa mima razaqnahum yunfiqun. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سيرت لكرويون إنما المؤمنون سيرت لكرويون حصر c'est que pour eux c'est que pas pour les autres إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ceux si on leur mentionne l'école les versets d'Allah les signes d'Allah ça veut dire qu'ils apprennent la science sans être écoutés واجلت قلوبهم leur cœur frémisse pourquoi frémisse leur cœur? Parce qu'ils sont, ils se connaissent, ils savent qu'ils commettent des péchés, et ils ont peur d'Allah. Ils reconnaissent leur niveau. Ils ne se disent pas, de là je suis salafi, ça y est, je suis au paradis. Ils ont peur. Ils ont peur. Abou Bakr Siddiq, il avait peur. Il avait peur, il disait, j'ai peur. Je crains que si je laisse une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a laissé, je m'égare. Parce que je dis, c'est une seule chose. Nous, je suis salafi. C'est bon, j'avais tenté de dire qu'il y a tel chiffre. Faut pas m'aider. Si il y a tel genre de tenté de vie, c'est pas dire que toi, ça y est, t'es au devant de lui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ne viens pas tenter parce que t'as mis dans tel chiffre, dans telle vie. Ça veut rien dire pour ça. Le Nabi s'est mis à dire ça à sa famille, lorsqu'il dit, même pas dans la vie, amadou, les yeux sont bien à sa loupe. Celui qui ne connaît pas les autres, c'est pas parce qu'il fait partie de telle famille que ça veut dire qu'il est important. C'est pas parce qu'il fait partie de sa famille, ça veut dire qu'il va accélérer en hasanat, ça va rien changer. Donc ne rêvez pas, et descendez vos nuages. Ça c'est important, mais déjà des fois, j'ai déjà vu, il est tout content de me dire, je suis de telle ville, alors. Et après, toi avec Allah, ne parle pas des autres, toi avec Allah, parce que tu seras tout seul en entraînant. Donc toi avec Allah, les compagnons du prophète, et c'est la salle, c'est comment qu'ils étaient au souffle. Ils rentrent dans la mosquée, il n'y a plus personne, ils prient, ils attendent. Sont bien, ils prient, ils font l'afghan, et après ils se saluent. Parce que c'est le couloir entre toi et Allah, c'est quoi? C'est justement le lien fort qu'il y a entre toi et Allah. C'est ça en vérité, l'adoration. C'est le lien qui est fort entre toi et Allah, c'est pas le lien qui est fort entre toi et un texte, c'est tout. tu rentres dans la mosquée, tu vois pas le frère, t'es pas content. T'es dans la mosquée, t'es là, t'es pas content. Tu te sens mal. Tu vas le voir, tu discutes avec, ça fait la lune que t'es là, il y a une lettre. T'as pas compris ta rythme rigide. Il y a l'écran à 10 minutes après, t'as pas compris ta rythme rigide. Et comme tu discutes avec au fond de la mosquée, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le dernier rang, alors que quand t'es rentré, le premier rang était libre. Et qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Tu es en train de rejeter tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Dieu l'un par rapport au bienfait de l'âme de Mexique. Tu es où? Ça c'est un intérêt que tu es loin d'Allah. C'est impossible que tu sois contre Allah et que tu fais ça. Wallah la yuki. Parce que c'est lui qui faisait pas ça. Même si certains d'entre eux étaient en voyage, ils se sont pas vus pendant longtemps. Quand tu vois ton frère que tu aimes bien, et je suis sûr que c'est là qu'ils s'aiment entre eux beaucoup plus que nous. Beaucoup plus que nous. Car Allah a fait mention des compagnons en disant qu'il a enlevé de leur cœur la haine, la hantise. Et c'est pour ça que les ulama disent que Allah a mis dans les compagnons du prophète des qualités parmi les qualités des gens du paradis. Ils s'aiment beaucoup et pourtant ils ne vont pas se saluer. Donc assieds-toi, adore Allah Azzawajal, après la salut de ton frère. Voyez en réalité comment on doit être proche d'Allah Azzawajal, proche, pas loin. Et t'es pas proche par les noms, t'es proche par la réalité, par tes actes. Mais on a vu que ça pour l'instant. On a vu à chaque fois que la science accompagnée justement de quoi? D'actes. Alors qu'ils parlent de gens science qui les vendent. Que parce qu'ils font de la science ou parce qu'ils savent qu'ils mettent en application. Tout ce qu'on a vu, on a jamais vu science toute seule. On a toujours vu science et en réalité, la mise de mort en pratique. Sinon, à quoi ça sert? Sinon, en réalité, à quoi réellement ça sert? Donc il a élevé hein, ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science dans la jette. Donc certes, donc, leur cœur est frémisse. Comment ça se fait qu'ils sont à 28 degrés là, d'avoir justement le cœur qui frémisse? Parce qu'ils se connaissent. Ils connaissent leurs faiblesses, ils connaissent qu'ils ont des défauts, qu'ils commettent des péchés. Donc ils ont peur, ce péché-là le dérange. Les compagnons du prophète, ils ont dit aux tabirines, les derniers des compagnons, donc les plus jeunes, ils ont dit aux tabirines, vous faites des choses à l'heure actuelle, qu'à l'époque des compagnons, à l'époque des premiers, on les considérait comme comme des grands péchés. Vous voulez les faire normalement, et nous, pour nous, on avait peur de faire ça, on les considérait comme des grands péchés. Voyez un petit peu comment, alors que dire de nous? Que dire de gens qui sont très loin de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici il a mentionné, donc lorsqu'il dit ça, « Wajilat qulubuhum, wa idha tuliyat alayhim ayatuna zadat imana. » Leur foi a augmenté. Ils ont appris, ils ont pris, vous savez qu'ils ont pris quelques versets. Ils ont mis en pratique, ils ont compris, ils ont mis en pratique. « Kanu yakra'unahu fil layl, wa yatafaqqadunahu fil nahar. » Ou bien yakra'unahu, yakra'unahu, wa yatafaqqadunahu. La nuit et le jour, c'est comme ça. Ils le lisent la nuit et la journée, ils recherchent ce que ça veut dire. Ils lisent, les versets viennent, ils les lisent. Et la journée, je suis passé après ce verset-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, comme les versets, on a lu, on ne sait pas ce que ça veut dire, on a passé. Eux, non, chaque point qu'ils ne connaissent pas, ils s'arrêtent, ils demandent. C'est comme ça que c'était les compagnons du prophète, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Zadat iman wa ala rabbi yatawakkalun. Ils se remettent à Allah. Ah, Allah nous a ordonné ça, on se remet à Allah et on le fait. On sait que c'est réalité. L'alcool c'est haram. J'ai dit qu'à prendre de l'alcool, je peux faire des milliers d'euros, des millions, je m'en fous, je casse tout. Tout de suite. Je dis pas je termine mon stock, je le vends. Et après je fais des sous et après j'arrête. Là, tout de suite, Allah. Allah m'a donné mieux que cela. Il va prendre mieux que cela. Il va prendre mieux que cela tout de suite. Je cherche pas à comprendre. Et après quoi? Allah dit d'ailleurs tout le monde à cela. Wali Marazakra, nous le faisons. Allah ici mentionne les meilleures adorations, il mentionne la prière, il mentionne la zakat. Là, pourquoi il rassemble Allah, il mentionne souvent ses adorations, dès qu'il parle d'adoration, prière et zakat. Car l'adoration, c'est la meilleure œuvre physique que tu puisses faire entre toi et Allah, et la zakat, c'est la meilleure œuvre physique, c'est la meilleure œuvre que tu puisses faire, là où il y a un lien entre toi et l'autre. Donc c'est ribada, baynaka wa bayna Allah, wa baynaka wa bayna al-nas. La meilleure œuvre, la sadaqa, la zakat. Allah il demande de nous de ne pas être des avares et de ne pas être des gens qui stockent, qui stockent, qui stockent. Parce que stocker c'est contre toi, Abdallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hadiths pour si, Allah il dit, infir, ya Abdallah, ouvrez-moi avec, donne pour Abdallah, c'est moi qui vais le donner. Et qui est le meilleur banquier qu'Allah azza wa jalla? Allah c'est qui dit que je vais le donner. Donc n'aie pas peur, quand tu donnes, c'est pas un manque. T'as 100, t'as donné 20, ne crois pas que t'as 80, t'as bien plus et tu verras. Ou dans la vie, c'est bon, rien bien dans l'au-delà. Tu n'as pas que 80 en réalité. Sur 80, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Mais tu vois en réalité réellement plus que cela. Et après, il dit, elle a dit, on va faire un peu de ou là, il fait un peu de au début, on a vu, elle a amené le bien dans ce verset-là. Les actes du cœur, c'est le cœur, leur cœur, Voilà, mais il y a un autre cœur, et après Allah il passe à un autre degré. Les ibadas qui sont forts, hein, Amaniya, Tahliya, les actes du corps. Badaniya, Wamaniya. Badaniya, le corps, et Maniya, l'argent. Et après, Allah il rencontre encore la récompense. Il dit, Oulaïka, Moumoumoun Haqqa, donc qu'est-ce qu'il y a pour eux? Voici le réel écran. Et qu'est-ce qu'ils ont comme récompense au paradis? Là, dans la fête, ils auront des degrés, un gars de génial, wa maqfaratun. Ils ont des degrés par rapport à la volonté. Quand est-ce que l'être imana, il y a une darage interrapérée. Parce que ce sont des gens de science. Ils connaissent ces versets, leur font monter la foi. Les gens de science. Ils connaissent, leur foi monte, les degrés montent au paradis. C'est équivalent. Vous voyez, plus tu auras la foi, plus tu vas monter le degré au paradis. Zadatum imana, il y a une darage interrapérée. Wa maqfaratun. La maqfara, c'est dans le roi. C'est dans les pires que tu fais. Hein? Elle a dit, mais on te m'en assalte. Wa maqfaratun. Ils ont un pardon. N'est-ce pas la prière efface les péchés? N'est-ce pas qu'elle n'est pas ce dès que la prière en réalité efface les péchés complètement, vous brûlez entre deux prières. Et après tu viens, tu pries. C'est comme si, hein, d'une prière et l'autre, c'est comme si en réalité, c'est comme si la personne arrêtait de se laver, hein, dehors, je devrais bien près de chez lui 5 fois par jour. Est-ce qu'il lui reste des liens, de la saleté? Non. Donc c'est ça la prière, elle t'efface. C'est un marché, c'est le marché, hein. Elle efface les péchés parce qu'on t'a pardonné. Et après, donc on a fait tout. Voilà ce que nous carrions. Et une bonne subsistance. Tu auras mieux que ce que tu as donné dans la vie d'ici-bas. Et plus tu es généreux dans la vie d'ici-bas, plus tu auras des choses. Il est possible que tu sois même de quelqu'un au paradis, mais ton jardin à toi, il est bien meilleur que celui d'à côté. Parce que tu as donné plus. Tu donnes, Allah te donne. N'est-ce pas que celui qui avait donné des charrettes ou des chameaux, on dit à Christ, il a dit, je l'ai vu jouer avec au paradis. Et les chameaux du paradis, ce n'est pas les chameaux de la vie d'ici-bas. C'est différent. Ce ne sont que des mots qui sont équivalents, mais ce sont en réalité des, bien sûr, des choses qui sont en réalité différentes. Deuxième verset, encore une fois, où Allah est l'œuvre du gré. Allah est dans le troisième verset, « Wa mayyatihi mu'mina, fatab'a mina salihat, fa'ulahika la darajat al-ula. » Celui qui vient donc au croyant, qui vient donc qui lui vient à croyant, et qui a donc il a œuvré de meilleure façon, il a fait des œuvres pires, ces gens-là ont les hauts degrés, ont les hauts degrés. Il croit et il met en pratique. Il est obligé de passer par la science pour croire et mettre en pratique. C'est la réelle science qui te fait croire. C'est la réelle science qui te ramène à la croyance. La vraie pratique, c'est aussi la réelle science. Trois, par rapport à la science. Et le quatrième verset, par rapport à la djihad. « وَفَتَّمَرُوا مُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا وَدَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ » Et Allah a préféré les mujahidines vis-à-vis de ceux qui sont restés, donc d'une grande récompense et aussi de beaux degrés de sa part, ainsi que des pardons et de la miséricorde. Trois degrés la science, un degré la djihad. Et l'as, c'est donc la science. Et l'as, c'est la science. Quelle indique la science? Donc, aussi cette science-là, les gens de science, vont en réalité être encore une fois des gens qui vont dénigrer et montrer que le koufar, le jour dernier, seront rentrés en cela. C'est encore un profit. On profite de non seulement ici, à taille rentrée. Ils vont dénigrer et montrer que ce qu'on fait, ce que disait ce qu'on fait le koufar, est faux, est faux, est vain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا يَنِ غَيْرَ السَّاعَ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ لَقَدْ لَبِثُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى لَقَدْ لَبِثُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَحْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَحْثِ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى lorsqu'il parle d'un moment important, grave, le jour dernier, donc le jour où l'heure va venir, va survenir, elle va, les mujrimoun, les pervers, donc les koufars, vont jurer qu'ils ne sont restés même pas une heure. Ils ne sont pas restés dans le sur la terre. Ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait. C'est eux. Et ils espèrent avoir une excuse par rapport à cela. Je suis pas resté longtemps, j'ai pas le temps de profiter de la religion, de savoir de qui est un prophète ou quoi. Ils veulent trouver derrière ça une excuse. Hein? Donc ils sont restés qu'une heure. Et c'est comme ça qu'ils ont menti. Et ceux qui ont reçu la science, ceux qui ont reçu la science et la foi, dans l'espace des compagnons ont dit, certes nous avons appris à avoir la foi, appris la foi avant la science. C'est-à-dire avant justement les actes. Jacob, moi, ils ont pris les compagnons, la foi avant les saints, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris diversé, ils ont compris, ils ont en pratique. Donc la foi, elle vient comme ça, petit à petit. C'est comme ça qu'après, ils ont pris la foi, et après les actes sont venus. Avant seulement de pouvoir, de célébrer la science avant de recevoir cette science, c'est-à-dire petit à petit. Les dons de science et la foi, c'est à vous être restauré jusqu'à ce jour. Vous êtes restauré jusqu'à ce jour, hein, c'est dans le jour où voilà, vous avez ressuscité. Donc ce jour-là, mais simplement vous ne le savez pas. Vous étiez ignorant de tout ça. Les gens de science savent, donc ils ont créé un large par rapport à cela. Et c'est les gens de science qui répondent. Ce n'est pas votre culte. On n'a pas entendu le shuhada, on n'a pas entendu mettre un jour sage, mais c'est al-ilm ou al-iman. Donc ça, c'est que pour eux. C'est que, bien sûr, pour eux. Et quel est l'Ika ? Comment ils sont arrivés à ça ? Car ils craignent Allah Azza wa Jal. Ils ont cru avant cela. Ils ont craint avant cela Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours en les vantant et en les citant de la meilleure façon, Innama, c'est encore une fois al-hasr, c'est que pour eux. Yarsha Allah min ibadihi al-ulama. Yarsha Allah min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafur. Certes, craint nuk. Seuls ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Seuls ceux qui craignent Allah sont réellement les savants. Et Allah est quoi ? Il est puissant et il est pardonneur. Comment ça se fait dans un jeûne ? Souvent, lorsqu'il mentionne dans ces versets, Al-Aziz, ce sont souvent les versets qui ont à voir avec quoi ? Qui le sait ? Avec quoi ? Avec la ? La miséricorde. Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Rafoul, Al-Akhir. Énormément, Allah mentionne Al-Aziz, avec justement tous les versets qui ont à voir avec sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, n'importe quelle personne sera venue ici dans quoi Al-Aziz, un pays fort, un empereur, une personne forte, il profite de sa force là-là. Parce qu'Allah est fort, il est tellement sage qu'il fait miséricorde. En général, l'humain, lorsqu'il est fort, il ne fait pas miséricorde. Mais Allah fait miséricorde. C'est pour ça qu'il mentionne énormément dans les versets, il mentionne dans les versets où il y a Al-Aziz, c'est où tu te retrouves Al-Aziz. Généralement, ce sont des versets où il y a la miséricorde. Et voyez par vous-même et vous verrez cela. Donc voyez un peu comment Allah s'agit et subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala continue à montrer justement la récompense. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك لمن خشي ربه. La récompense à ces paradis auprès de leur Seigneur, des jardins, hein, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils vont y demeurer éternellement. Allah a créé le radiallahu anhu. Donc Allah a créé, et quoi, ذلك لمن خشي ربه. C'est donc cela est pour celui qui a craint Allah, son Seigneur. Il a craint son Seigneur. Et le khashiyah, c'est le khouf, ba'alayh. Et le khashiyah, c'est la peur avec science. Wa qala ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, kafa bi khashiyatillahi ilman, wa kafa bil i'tirar billahi jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, Abdallah ibn Mas'ud rapporte. Il dit, il suffit d'avoir la science pour craindre Allah. Donc il suffit que la crainte d'Allah soit la science. Il suffit que la crainte d'Allah soit la science. Il suffit d'être imbu, d'être orgueilleux, d'être imbu, c'est-à-dire que tu es orgueilleux, tu détournes d'Allah Azza wa Jal pour montrer ta ignorance. Chaque orgueilleux, chaque imbu de sa personne, et qui ne calcule pas Allah, c'est un orgueil. C'est quoi en fait, c'est un ignorant, tout simplement. Même s'il y avait 25 doctorats, professeurs dans ce que tu veux, il y a qui dans la religion d'Allah, il ne vaut rien. Dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est rien du tout. On continue ? D'accord. إذا كان الجاهل لا ينتفع ولا ينتفع بالآيات البينات فكيف ينتفع بضرب المثل ? Si l'ignorant, déjà, il ne profite pas des versets clairs, alors comment il va profiter des versets où Allah Azzawajal montre des exemples, lorsqu'Allah Azzawajal signe, il montre des paraboles, on voit qu'il y a énormément de paraboles. ضرب المثل فاستمعون ضرب المثل فاستمعون. Allah dit, oh, ceux qui croyaient, on vous a donc cité les paraboles, écoutez, face à nous. Donc c'est, écoutez donc. Allah dit, écoutez, ça sert à ça, NFL. Pourquoi Allah donne des exemples ? Afin de s'imaginer, afin de donner, de rapprocher en vérité, hein, justement, la force de connaissance. En particulier pour quelques grandes connaissances. C'est pour ça qu'il y a NFL. Allah dit, wa dhalik al-amthal. Certes, nous montrons des exemples, et ne réfléchit et ne comprend réellement que ces exemples que ceux qui savent, que ceux qui ont de la science. Par rapport à ce verset, regardez comment ils étaient salafs. Ils passent pas au côté du verset, ils disent Mashallah les savants. Ils s'arrêtent et ils disent إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. Salaf, s'il passe au côté du verset qu'il n'a pas compris, il pleure et dit non, je ne fais pas partie des savants. Je ne fais pas partie de ceux qui sachent. Alors qu'au regarde de celle qu'on voit. Il y a dans le Coran entre 43 et 44 versets. Et il y a encore entre 40 et 50 exemples dans le Coran. Alors, ça, les amis, donc en même temps, on doit en réalité les connaître pour bien comprendre ce qu'Allah Azzal veut de nous. والعلم يعني هو الحجة وانظر وتأمل ما ذكره ربنا لمناظرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني هو يعني كيف كان بالحجة فقبل يعني دين الله عز وجل فهو تكلم لنظر أباه ونظر قومه فغلبهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك وإفحة درجته بالعلم للحجة فيقول تعالى يعني عقب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى يمرسون ici الحجة. الحجة c'est la preuve que tu vas montrer par le l'ilm, la preuve claire par la science. Et il montre un meilleur exemple, c'est pas le meilleur exemple vis-à-vis de celui qui a discuté et qui a parlé en vérité avec les gens, avec son père, avec son peuple. L'intelligence, hein, le summum de l'intelligence. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a, subhanallah, montré avec toutes les preuves aqliya de la meilleure façon. C'est pour ça qu'après il favorise les capables. Donc en vérité, il est dénué, donc il a vérité, non, il est dénué de preuves, celui qui en vérité, donc un écrit. Alors il dit bien, voici nos preuves que nous avons données à Ibrahim, hein, envers son peuple, nous élevons en degré qui nous voulons. Et certes, ton Seigneur est sage et savant. Alors il est sage, il a choisi. Donc qui mérite justement de cela? Il a sage parce qu'il a choisi, il n'a pas choisi n'importe qui, pour montrer les meilleures choses, un des meilleurs prophètes, et les savants de ce qu'il fait, et les savants de ce qui va se passer. C'est le Hujja. Et Ibrahim, je vous dis, si vous lisez bien l'histoire, vous allez voir qu'en vérité, vous trouvez donc hein, le seul membre de l'intelligence vis-à-vis de comment il a parlé à ce roi. Il n'a pas parlé à ce roi, tu as arrêté les allocations, hein, tu n'as pas construit de pont, tu laisses nos routes, hein, tu ne donnes pas assez d'argent pour nos champs. Là, il lui a parlé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à beaucoup d'employés, et parmi eux les meilleurs, de faire face à Moulouk, de faire face au roi. Pourquoi? Pour les appeler au Tawhid. Et ça, c'est un autre à la Khawarij qui critique les gouvernements, alors faire croire que les gouvernements, il faut leur parler en politique. Tu leur parles d'une unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on fait les envois, les meilleurs exemples, ils ont fait ça. Les gens maintenant, ils veulent faire, donc c'est pas le contraire, en réalité, ils ne prennent pas les envoyés comme exemple. S'ils ne prennent pas comme exemple, alors c'est pas en fait de dire tel alim il a dit. Le khalif, tu ne dis pas tel alim il a dit, ça veut rien dire, parce que dès le départ, il n'est pas l'alim. Ne te fatigue pas, dis pas Cheikh Antimini a dit, pour lui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Essaye de toucher avec le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les autres envoyés. Peut-être qu'on ne sait jamais le comprendre. Ah, maintenant, on chire. Chez lui, c'est déjà le c'est un juif. Hein? C'est le Mossad, c'est la CIA, alors tu ne fatigues pas avec lui. Le départ. Tu as tout perdu si tu dis tel chériadé. Dis ce que l'islam dit. Ça vient de façon de faire en vérité. Donc voici en vérité, c'est le Hujja. Wa qala Zayd ibn Aslam, radiallahu anhu, narfa'u darajati min nasha bi'ilm al-Hujja. Alors il dit donc, nous allons voir le qui nous voulons, pas. Hein, la science de savoir donner, de savoir en vérité propager la preuve, de savoir en vérité expliquer les choses avec preuve, de la même façon comme l'a fait Ibrahim alayhi salam wa sallam. Cette science, c'est en plus un bonheur. Farhum, il est farhum qui pour nous, c'est aussi un bonheur. Et quoi? Et le fait d'être heureux, cela dans le cœur des croyants. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika faryafahu. Wa huwa khayrun mimma yajma'un. qui, par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, et d'après cela, et à partir de cela, ils vont être heureux, ils vont être heureux. Cela est meilleur de ceux qu'ils amassent. Cela est bien meilleur de ceux qu'ils amassent. Il fallait rien m'ajouter par rapport à cela, que c'est quoi? Le femme, la plus bien fait, c'est l'imam, la foi, et la rahma, c'est l'ilm. La rahma, c'est l'ilm. Et de la sens, donc, est meilleure que dunya wa madriha. Lorsque ils sont venus à l'époque de Omar ibn Khattab, après les djihad, il y en avait des foutraites à son époque, et qui ramenaient les biens, et les biens, et les biens, sur ce serviteur, il a dit, Adhafallah, il a dit ça à Omar. Omar a dit Kadat, c'est pas l'extrême. Il a dit Kadat, comme dans le sens, tu as dit faux. Dans la langue arabe, tu dois dire Kadat, hein, Kadat, tu as menti, pas dans le sens que tu as menti, mais tu n'as pas dit la vérité. Tu t'es trompé, il dit Mahamad, tu t'es tout simplement trompé. Sans dire que ça veut dire que la personne est menteuse. Tu t'es trompé, mais sache que. Donc, les bienfaits d'Allah et sa miséricorde, ce sont le Coran. Et après, il a mentionné ce verset. Il a mentionné ce verset. Il a bien compris qu'on a dit le Fal, Allah, c'est pas ce qui est dans ta poche. Tu remercies maintenant beaucoup plus ce que Allah Azzamel te donne, ta vie de 2000 euros à la fin du mois, que le fait qu'il a fait de toi un musulman, et spécialement s'il a fait de toi quelqu'un de carré sur la Wajjana. C'est bon, c'est pas vrai. C'est vrai? Hein? Tu as la bonne santé, tu as des sous, ça y est, tout va bien. Et ta foi? Elle est où? Et là, on devrait réfléchir. Il est là. De mieux que tout ce qu'ils ont reçu, des butins et des butins, des trésors. Ils ont plutôt pris les autres. Ils sont venus, c'est démon. L'autre, il voit ça, il n'a jamais vu ça. Il est... hein? Mais ceux qui parlent par rapport à ce qu'ils voient, ils voient Hajjah qui n'a pas l'habitude de voir. Et il lui dit non, c'est le Coran. Celui qui réellement aime Allah, vers celui qui a la foi forte et qui connaît la religion en bas. Et il se dit la vraie grâce, c'est quoi? C'est l'islam, c'est par là. Mais c'est pas en vérité tous ces trésors, tous ces bienfaits hein, qu'il y a dans la vie d'ici-bas. Et aussi, Allah rejette tellement, il a de la chance et tellement il déteste, hein, c'est du ici-bas. Donc, on voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Al-Tirmidhi et l'authentique Hassan, où Abu Huraira le rapporte. Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Dunya mal'ouna, ma fiha, illa dhikrullah, wa ma wala, wa alimun, wa muta'allim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donc la vie d'ici-bas, elle est maudite. Mais le Rona, il n'a pas dit par exemple autre chose. Il a donné, donc ici, un attribut qui est fort. Mais le Rona, détestable, elle est vraiment maudite. Sauf quoi? Le rappel d'Allah. Quand Allah, quand Rasul, hein, tout cela est khoutab, tous les douloureux sont khoutab. Le rappel, la lecture du Coran, tout cela. Voilà, voilà, et tout ce qui va en découler. Quand tu vas te rappeler d'Allah, tu vas automatiquement mettre en œuvre. Et tout ce qui découle de ce rappel. Tout ce qui vient donc après ce rappel. Et le savant et l'étudiant en religion. Et le savant et l'étudiant en religion. Eux, ils ne sont pas maudits. Nous, on est content, ne serait-ce que de se retrouver dans une villa où il y a un jardin, où il y a quoi, une petite piscine. Hein, ça nous fait rêver. Et pourtant, on fait dans l'arrivée, c'est quoi hein, c'est malheur. Mais malheur, ça veut dire que tu ne profites pas. Lakin, tu profites bien de l'arrivée. Une heure. Dans le sens où, c'est pas ça ta vie. T'as passé ta journée, t'as passé ceci, et on va dire, t'as mis ça, donc t'as fait passer ça avant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as fait passer cela avant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici pour ça que ici, il y a donc ces sept-là. Il y a l'azalide qui vient, c'est-à-dire, je vais créer les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc je vais créer en vérité les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال lorsqu'il mentionne donc il fait dua pour les gens de science, il fait dua pour ceux qui ont de la science. Dernier après j'arrête ça. Donc النبي صلى الله عليه وسلم dit ça a été rapporté par Tirmidhi et d'autres après le message dit donc l'adamallah amrak sam'a maqalati fawa'aha. Qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute ma parole et qui la comprend comme il le faut. Et qui a bien, donc, elle s'est imprégnée hein, dans sa poitrine. Hafidaha wa ballaha, il a appris et il enseigne la propage. Faroukba hamil tirkin, il a mené ou akhtar ou minhu. Il est possible que celui qui a de la science va enseigner celui qui sera plus fort que lui. C'est possible. L'élève te dépasse le chiffre. Là, on n'est pas dans certains. On n'est pas dans le karaté ou je ne sais pas où, l'élève qui passe pas de chiffre, là, on est dans l'islam. Alors, les élèves, ils peuvent élever en degré, hein, parmi nous des personnes qui ont pris la science de celui qui aurait moins de science. Il aura mieux compris, il va mieux expliquer les choses, il a appris, il va mettre mieux. Il va mieux mettre en pratique. Ça, c'est normal. Je l'inclus. La yagullu alayhim, la alayhina qalbu muslim. Ikhlasu l'amal illa. Wa munasahatu li alman al muslimin. Wa ruzub jama'atihim. C'est trois points. Hein? En vérité, donc, celui qui possède ces trois points, ben, tiens, il sera, il n'y aura pas de rire, il n'y aura pas de mentise. Ça fait lui, il aime les musulmans. Il aime réellement les musulmans, cette personne-là. Il aime le bien pour eux. Il n'a pas d'antise, il n'a pas de jalousie. Il n'a pas d'animosité. Donc ici, lui, il n'a pas d'antise, il n'a pas d'animosité, il n'a pas de jalousie envers les gens. Ikhlas al-amal lillah. Il est sincère dans ce qu'il fait. Il est sincère dans ses actes. Et si tu es sincère, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Il est élevé en degré. Tu as envie de faire comme lui, il baisse, tu as envie de le conseiller. Tu as envie qu'il revienne au niveau où il était. Tu ne t'empresses pas de montrer ses péchés parce que tu n'es pas normal. Tu t'empresses en vérité de montrer ses péchés. Et tu conseilles les imams des musulmans. Tu conseilles les imams des musulmans. Parce que si tu le conseilles, qu'il accepte, c'est un bien pour tous les musulmans. N'est-ce pas que c'est beaucoup de savants ont dit que si j'avais une seule dua à faire, j'aurais fait pour l'imam du musulman. Parce que si il devient bien, peut-être qu'il va arranger donc beaucoup de musulmans. Il va profiter. Donc il va être profitable, ouvrir plus de mosquées, de mannequins, des écoles islamiques, des enlever les tombes qui sont là, et ceci et cela. Beaucoup de traits qui existent. Toujours, donc il est sincère s'il conseille. On voit toujours une sincérité. Et l'ouzoum al-jama'ati, il reste avec le groupe des musulmans. Il ne critique pas al-hakim. Là parce que c'est un khariji. Là parce que c'est un soufi. Là parce que c'est un tabligh. Là parce que c'est un imam. Car tout cela déteste les gouvernements. Tout sans exception. Même s'il ne parle pas de critique. Les soufis, ils ont, à cette heure actuelle, ils avaient donc, il est mort cet homme-là, mais c'est pas assez récent. Ils ont fait créer ils ont prêté l'allégeance à un soufi marocain de Fès qui vit à Mecca, à la canne, il est mort le jour où tous les croyants sont contents. C'est comme ça qu'on dit lorsque un gros d'Arabie meurt, on est content. C'est là chez nous. Il est mort, après un halak, et il aura la part d'Allah ce qu'il mérite. Donc, l'alif est facile. Plus de 232 sectes soufis lui ont prêté allégeance. Et beaucoup d'entre eux avec le sang. Et parmi eux, tu en as à dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allégeance de quoi? Qui tu es? Ils ont dit déjà que tu es le successeur d'Allah sur la terre. Il va où il veut? En Arabie Saoudite? Il est très riche, il y a beaucoup de riches qui le protègent. Donc, il ne fait pas ce qu'il veut. Il a essayé d'ouvrir les coches, je l'ai interdit. Vous connaissez sûrement l'histoire. Il a essayé de faire des choses. Il va dans le pays où il y a énormément de soufis, pays arabes, et ces pays-là. Donc, lui mettre le papier rouge, c'est le président qui vient. C'est le roi qui vient. Parce qu'il considère que lui fait droit, là, on doit l'accepter. C'est le président qui vient. Donc, pour eux, il est mieux que le président. Ressemble comparable à qui? Hein? Au grand Tibet, et alors on fait là-bas en Iran. Imam de quoi? Donc ils ont prêté la chance car c'est l'imam de Médine et de Mecca. Allez, ça a l'air qu'il y a un hakim, là qu'il y a un kitaba. Ça c'est un khourouj, c'est un énorme khourouj à la hakim. Ils ne sont pas contre lui par leurs âmes, là qu'ils sont sortis par lui avec quoi? Avec l'article et avec la parole. Comment tu sais lui même alors avec un imam, il y a Médine et un imam? Et en Arabie Saoudite, il y a un roi, il y a un imam. Et il a choisi des gouverneurs. C'est pour ça qu'ils font ça. Et quand ils font tous les jeudis ou tous les jours qu'ils se rassemblent, ils ont un émir. Et c'est l'émir qui décide de tout. Dans tout. Ça, c'est un khalq, c'est un khulj. Ça, c'est un khulj. Il y a une autre chose pour Jamal, pour Jamal Tébir, pour les soufis, pour les frères musulmans, pour Abou Bakr, et pour le Khawarij. Tous, il y a un khalq, il y a un khalq qui est le salaire, à la saïd. Ayub Bidal, justement, quand c'est tous comme sans exception, ils se rassemblent contre ces, n'est-ce pas que tous, ils aident énormément Salafi. N'est-ce pas que tous les gens de la Médina nous aident énormément. Ils nous aiment trop. Vous voyez, ils sont comme ça, tous sans exception. Et que l'on est jamais à la CIF. Et ça, c'est paroles de Salafi, c'est pas les paroles de moi. Et prenez-les aux contemporains et vous allez voir. C'est la vérité. Vous allez voir ça. Ils arrivent, ils choquent les gens. Dès qu'ils retournent à Médine dans les mosquées, dans les hôtels, ils disent quoi aux gens? Dans leur parole. Le gouvernement est à vente. Non, moi, je sais, je pense que ça devrait pas le faire. Ça devrait être gratuit, les hôtels. Je construis, je te mets dedans. Et pourquoi c'est moi qui dépense et c'est une décision qui profite? Pourquoi pas le contraire? Pourquoi c'est pas toi qui dépense et moi j'en profiterai? C'est comme ça qu'ils disent. Ils choquent les gens. Et ça, ça va être contre les gens. Les gens de généralement, les Awad, les pays arabes, les musulmans du tout arabes qui sont là à la tête tout, elle n'est pas rentrée dans l'entour de la majorité des gens. Ils ont sa rapide à ce genre-là. Ils le connaissent. Sont lui qui traduit par toutes les langues et qui en plus aussi on arrive dans l'arabia. Donc la loutre à l'arabia de cette couture, elle est arrivée à la numéro 25, numéro 27, toujours refait par lui, par l'autre, refait par lui, par l'autre. Il y a même le Bukhari qui est arrivé au même numéro. Hein? Donc voyez en vérité, comment les gens ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous en vérité. Donc les bidas, ils sont justement, ils sont là, ils sont loin du gouverneur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien que. Souvent quand ils mentionnent l'Ikhtilafat, ceci c'est toujours par rapport à l'Aïkoul, hein, les Sunnati, la Sunnati Khulafa Rashid. Parce que vous allez avoir beaucoup d'Ikhtilaf. Wa'in, hein, yani, wa'in ou'oubina alaykoum, adem hadashi. Pourquoi il parle de l'Ikhtilaf, il parle de la politique, pourquoi il parle du gouverneur? Parce que c'est là l'Ikhtilaf, c'est là l'origine d'Ikhtilaf, c'est justement ceux qui divisent en réalité les gouverneurs. Ça commence par ça. Les premières sectes, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ils ont commencé par ça. Ils ont commencé par s'éloigner à Koulchen de façon générale des gouverneurs. Donc voici, hein, ici, ce hadith qui est rapporté par énormément de compagnons du prophète. Donc on voit, c'est que Al-Nabi, ça va se montrer des exemples. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ça, écoutez, n'est-ce pas qu'on l'a vu tout à l'heure, hier, ou la dernière fois, il y a dit deux qualités qui n'entrent pas dans le cœur du Mounafiqin, ici donc c'est Sana, écoutez comme il le faut, donc c'est Hosnul Sant, c'est le fait de bien écouter. Et après, le fait de l'écrire, là, ça veut dire le fait de l'emprisonner, de l'enchaîner. Tu lui as mis des chaînes après. Hein? C'est quoi en réalité? C'est Saïd. Mais comment tu vas revenir à Hosnul Sant? C'est en réalité le fait de l'écrire. Si tu n'écris pas, c'est beau ce qu'on dit, ah c'était super sondant, c'est la quête de maths. Donc, et fait, quand tu as écrit, tu as mis, tu as structuré, tu en as profité. Tu lis, tu arrives chez toi, peut-être tu vas aller voir ton épouse, à ta mère, à tes frères et soeurs, devant ta table, tu l'as une deuxième fois, tu l'as peut-être lu plus tard une troisième fois, ça reste. Je vais te voir 10 ans, voilà, tu me dis, si tu ne me dis pas tout, tu me dis énormément de choses. Pourquoi? Parce que tu as tenu l'affaire. Alors que celui qui me ferait tout ça, je viens deux jours après, je viens le lendemain, ou je viens ce soir, après le dernier date, peut-être qu'il va dire, tu as dit des choses, mais j'ai oublié. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est important d'écrire. C'est pour ça que c'est en réalité important de revenir par justement l'écriture. Il faut s'habituer à ça. Il faut arrêter s'habituer à ça. Donc, il a écouté, son cœur en a profité. Donc c'est resté, c'est quoi? C'est rassé, fissoudou. Ça reste rassuré justement dans ce cœur-là, hein, quand il avait compris. Et on sait bien, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça va se donner, l'exemple, hein, que la science disparaît encore plus rapidement que hein, le chameau il va disparaître en réalité dans le trou du bois si on réalité la partage. Ça disparaît, il va, le chameau il reste pas sur place, il va se balader. Il va marcher, tu vas partager, il va marcher, il va se balader. Ça fait la même feuille de ce hadith. Et comme tu l'as écrit, dis-moi, c'est comme tu l'as écrit, si un jour tu as oublié, ben tu reviens dessus, tu as pris des notes. Des notes. Aïcha, elle avait énormément de choses dans son corps. Dans le corps d'Aïcha, elle avait énormément de notes. C'est un exemple. Elle avait énormément de notes. Et après, qu'est-ce que tu fais après cela, une fois que tu as retenu? Tu as propagé, tu as des mots. Hein? Donc tu propages à la communauté. Pourquoi? Car tu veux en réalité du bien à la communauté. Tu veux que la communauté profite de la niama comme elle t'a donné. Hein? Tu veux qu'ils entendent la même chose que toi. Tu veux donner. Notre femme de modalité, tout le monde profite. On sait bien que c'est comme ça que ça reste. On avait tout à l'heure, Hadith Din, l'idée de l'Ulama. la religion disparaît, que si les religions disparaissent, en réalité, ils vont donc disparaître. Donc, tu as ici, tu as en réalité, donc c'est Martaba. Tu as le fait de quoi? Donc, d'apprendre, de comprendre, donc, c'est-à-dire de faire d'écouter à toi, de comprendre, donc de bien écouter, de comprendre. Et ce qui conseille, retiens bien. Tu as écrit, quand vous serez oublié pour plus tard, et après, tu vas en pratique, tu vas en pratique, tu propages. Tu écoutes, tu te concentres, surtout dans le premier temps que tu as eu, parce que plus tard tu vas oublier que ça se passe. Tu te concentres au moment actuel, après tu relis ce que tu as vu, et après tu qu'est-ce que tu fais, tu propages. C'est la meilleure façon en réalité pour que la chose elle reste. Et là, bien sûr, hein, c'est dans la lumière. Alors je vais illuminer le visage. N'est-ce pas qu'on a dit Tarekou Kibujumihi, Kibujuhim, Nadalamahim. Tu vois dans leur visage, justement, hein, cette lumière d'écrase dans la Azerogène. Alors il a dit le corps. Tarekou Kibujumihim, Nadalamahim. Vous voyez. Et là aussi, bien sûr, c'est fait. Tout en sachant par rapport à ce que David m'avait dit. Que celui qui enseigne, tout le monde peut enseigner, en vérité, les gens qui seront plus forts que lui. Et c'est comme ça. Et ça, en vérité, comme ça. Là. Et celui qui n'a pas dans son cœur l'animosité, hein, l'animosité, donc en vérité, il conseille les milliers sincères, il conseille le gouverneur, il reste avec le groupe, c'est que celui-là, en vérité, il n'a pas d'antise envers les gens. Il aime les gens, il a rien. Et c'est parmi les meilleures personnes. Et c'est parmi, en vérité, les meilleures personnes. Et c'est ça, normalement, le savant. Il s'y fait le savant de ce que la science, c'est que c'est sincère pour Allah Azzawajal. Il aime faire profiter les gens, et aussi, il appelle les gens à quoi? À l'unification. Ce n'est pas la haine qu'il fait, c'est qui va le faire, le fait d'unifier. Parce que la haine, il arrive à unifier 50, 100, 200, 1000 personnes, sans compter si c'est des cas individuels qui sont propagés. Ça fera des milliers de personnes. Donc, en vérité, et en leur disant tous, à tous ces profiter de l'âme du corps, de rester en réalité donc unifié. De réaliser en réalité donc unifié. Donc on a terminé là, pour ce produit aujourd'hui. Donc en chevalier mais fraîche, on va. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.